t'aurais pu commencer à l'accoutumée. Sans heurts, sans reproches, mais ce travail me rend aliéné. Demain, c'est sûr, je recrois. Me tuer. Non. Me tuer.